Cours numéro 13. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا في درسنا الأخير في رسالة كشف الشبهات قول المؤلف رحمه الله فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أي après avoir cité رحمه الله المقدمة نافعة في التوحيد à partir de ce passage il a répondu رحمه الله au شبه des مشركين et هذا الرد il est de deux façons مجمل ومفصل Et il va répondre, il va réfuter les shubuhat des mushrikin de deux manières. La première, min haitha al-ijmal. Ma ma'na hadha inda man? Al-mujmal huna bi ma'na, tfaddal. Qa'idatun amma fi ma'da? Qa'ida amma? Ahsan, qa'idatun amma fi al-rad ala jami' al-mubtilin. Que ce soit dans le shirk ou dans le shirk, c'est une qa'ida nafi'a. Et le jawab est mufassal. Quand on dit, tu vas dire, Naam. Kullu shubhatin ala hida. En détail. Mathalan, ils ont dit telle chose, la réponse c'est telle chose. Ils ont prétendu telle chose, la réponse c'est telle chose. Ils ont pris comme argument tel dalil, la réponse c'est kada. Wa hada, inshallah, c'est ya'ti ma'ana. Amma le dors précédent et aujourd'hui, on finit le rad mujmal. Fama huwa hada al-rad al-mujmal. Qala amma al-mujmal fa huwa al-amru al-azim wa al-fa'idatu al-kabira li man aqilaha. Wa anta satastafid min hada al-rad. Kama qulna que ce soit pour répondre aux shubuhat fi al-shirk ou fi ghayr al-shirk. Que ce soit fi al-tawhid ou fi ghayr al-tawhid. Ma min mubtil. Et tu peux répondre avec cette règle qu'il a citée. Fa'indaman. Ahsant. En se basant sur quoi? Sur quel verset? Hunna ummul kitab. Fa'amma. أحسنت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Ce verset, c'est une réponse à جميع المبطلين. لماذا؟ لأن ما من مبطل. Que ce soit un kafir بالله عز وجل. Que ce soit un innovateur, un مبتدع. Que ce soit n'importe quel égaré. Et من طريقهم. أنهم pour appuyer leur égarement, pour propager leur mécréance ou leur innovation. أنهم ils utilisent des versets min al-mutashabih. Et ils pensent que c'est en leur faveur et ils l'utilisent pour égarer les gens. Et on a cité des adil, ou des exemples plutôt, avec al-khawarij, avec jama'at al-tablir, avec plusieurs groupes égarés. Et on avait cité dans le dors précédent quelques exemples. Hada sirrat al-mujmal. Et aujourd'hui, ça naqra al-mithal et ça va vous éclaircir hada. Il a cité un exemple, rahimahullah. Naam, fahada ça doit être compris. Qawluhu azza wa jal huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummu al-kitab wa ukhra mutashabihat. Ça nous montre anna il y a des versets min bab al-muhkam et il y a des versets min bab al-mutashabih. Baqiya c'est quoi al-muhkam et c'est quoi al-mutashabih? Inda man? Tafaddal. أحسنت آيات واضحات بينات أي les versets sont clairs ils n'ont pas besoin d'un autre verset ou d'un hadith pour expliquer cette preuve le verset il est واضح et on a cité beaucoup d'exemples dans le درس précédent ça c'est des آيات محكمات مثلا قول الله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا c'est une آية محكمة أمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. C'est une آية محكمة واضحة Allah il a interdit le shirk. Il n'y a pas une catégorie de shirk qui est permise. Que ce soit avec l'awliya, que ce soit avec l'anbiya, demander au prophète ou awliya, ou demander shafa'a, tout ça c'est batil, le shirk c'est haram, mutlaqan. C'est ça l'important هنا. Al-ayat, al-mutashabihat, c'est quoi le mutashabih? Tafadhal. Ah, نعم, là, parce que c'est qui complète, تفضل. نعم. آيات المتشابهات أي نحتاج لتفسيرها وفهمها faut revenir aux آيات محكمات. Ce qu'est-ce pour le comprendre, il faut revenir aux آيات محكمات. Et هذا c'est pas pour tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي على معنى من معاني الآية أي أن الراسخين في العلم كذلك يعلمون تأويله أي تفسيره. Le comportement du mouahid, du sunni, celui qui s'écarte de l'hawa et qui espère la vérité, trouver la vérité, suivre la vérité, quand il y a un argument, que ce soit min kitabillah, un verset, ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux le comprendre de telle manière ou de telle manière, on fait attention à l'hawa. Comme min al-nas, wa taqaddam ma'ana, kalam al-imam Shawkani, rahimahullah, on avait, madri, est-ce qu'on avait cité ben nas, là, qui on en avait parlé, au Cheikh al-Islam de Taymiyyah, ils ont beaucoup de paroles via adhan, ahl al-bida' wa dhalal, les égarés, que ce soit les koufars ou les innovateurs, ils appuient souvent leur égarement avec des preuves. Mais, un verset, tu peux le comprendre de telle façon, ils l'interprètent avec les passions et ils égarent les gens. Thumma al-masakin al-awam, qui n'ont pas de ilm, qui ne connaissent pas, ils disent, lakin il a cité un verset du Coran. Lakin il a cité un hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Ça nous montre l'importance de revenir à la compréhension des salaf. Ça nous montre l'importance de revenir aux savants de la sunna. Ar-rasikhun ath-thabitun. Amma celui qui veut comprendre les textes seuls alors qu'il n'a pas le niveau. Khassatan ma yata'allaq bil mutashabih, des masail qui sont complexes pour les débutants. Et il faut un certain niveau fil ilm. Celui qui veut faire tout cela tout seul, il ouvrira une porte d'égarement. Il ouvrira une porte d'égarement pour lui et pour les autres. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ أي الضلال. الزيغ c'est l'égarement. الضلال. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ils délaissent les versets clairs. كَمَا زَيَتِي مَعَنَا avec هَؤُلَاءَ الْمُشْرِكُونَ. أنهم tous les versets, tous les hadiths qui mettent en garde contre shirk et adorer autre qu'Allah, ils ont délaissé tout ça et ils vont s'accrocher à une shubha. Les ma'adali annahum, ils n'ont pas compris tel texte. Et ils se sont égarés, iyadam billah. Ibtira al-fitnati wa ibtira al-ta'wili. C'est ça leur cause, leur but plutôt. Leur objectif, c'est ça, c'est al-fitna bayna al-muslimin. Fala tartar bi ahl al-bid'i wa al-ahwa. C'est pour ça qu'il faut s'écarter de ha'oula. Et on avait conseillé nos frères de ne pas écouter n'importe qui. Le premier qui cite un verset du Coran, ou qui cite un hadith, ou qui dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il sont connus partout. Accroche-toi à ha'oula et fais attention à ahlu zayr ou ahlu l'inhiraf. Donc ça c'est une qaïda muhimma. Quand tu as quelque chose de mutashabih, un verset ou un hadith, on revient à Ahl al-Ilm pour qu'il nous montre al-Hukm, al-Sahih, en revenant au Muhkam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre ha'oula, comme dans le hadith d'Aïcha radiyallahu anha, fi al-Sahihayn, al-Mu'allif, il a cité al-Hadith. Iza ra'aytum al-ladhina yattabi'una ma tashabaha min fa'ulaika al-ladhina samma Allah fa'ahdharuhum. Et c'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala il a nommé. Faites attention, ahdharuhum. Écartez-vous d'eux. Et mettez en garde contre eux. Limaza li annahum, Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés de ahlu zayr. Et on avait dit ça c'est min aqwa al adilla fi mashru'iyyat al jarh li ahli ala ahli al ahwa. Ay réfuter, mettre en garde contre les égarés, que ce soit des kuffars ou des innovateurs, tu as un dalil clair avec ce hadith est le verset. Baqiya, pour comprendre akthar, il a cité un mithal, rahimahullah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a cité un mithal pour t'éclaircir la première manière de répondre à ces mouchriku. الطريق المجملة قال رحمه الله مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولا on répète نستفيد من هذا أن c'est pas tous ceux qui citent un dalil أنهم ils sont على حق لأن الدليل il faut qu'il soit à sa place الدليل il faut qu'il soit صحيح. Al-dalil, il faut qu'il soit compris comme ils l'ont compris salaf al-sahaba radiyallahu anhum. Amma, citer un verset ou un hadith qui n'est pas à sa place et l'argument il n'est pas dans le sujet traité, hada c'est min al-zayr, c'est min al-inhiraf. Al-Qur'an c'est le haq, c'est le huda, lakin utiliser, citer des versets qui ne sont pas à leur place, ça c'est l'égarement, ça fait partie de l'égarement de la personne, iyadam billah. Falihada qal, idha qal lak ba'dul mushrikin. فتأمل أن بعض المشركين أي qui font du shirk بالله عز وجل c'est même pas des musulmans et ils prennent comme argument des versets du Coran. الحذر قد يقول قائل فكومون فير suis les savants de la sunna سترتاح ne suis ni fulan ni allah خاصة si tu connais pas suis أهل العلم n'importe quel sujet que tu veux الآن العلماء ils l'ont traité فلماذا suivre des gens qu'on connaît pas ou des ignorants, ou des égarés, les mal. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, min a'immat al-'asr, min al-mujaddidin, la plupart des sujets, je ne parle pas en détail, là, des matières, il les a traités, rahmatullah alayh. Que ce soit l'aqidah, que ce soit le tawhid, que ce soit le fiqh, que ce soit la langue arabe, que ce soit le hadith, que ce soit usul al-tafsir, que ce soit usul al-hadith, al-balagha, la plupart des sujets, il les a traités, rahmatullah alayh. Ça, c'est un imam. Cheikh Al-Albani, la plupart des hadiths, certains qui sont connus, les livres qui sont répandus, il a arrêté, tu trouveras un hukm de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, à l'al-hadith. Ou hakada Cheikh Mokbi, il a traité beaucoup de ces hadiths. Tu veux une fatwa, la plupart des certains les sujets qui sont importants, connus, la plupart des gens, ils se posent des questions, tu trouveras Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a une fatwa dans le sujet. Falimada, perdre son temps ou risquer de s'égarer en suivant Fulan min al-Nas, imma on le connaît pas, imma il y a des accusations sur lui, falimada. Fata'ammal anna ba'd al-mushrikin cite des adillah. Lakin, vous allez voir le dalil. C'est un verset du Coran. C'est kalamullah azza wa jal. Lakin, ils l'ont pas compris. Limada, ils l'ont pas compris. Les annahum, ils font partie de cette catégorie que Allah il a cité. Ahlu zayr, iyadam billah. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Tous les versets du Coran al-Karim qui mettent en garde contre le shirk, qui appellent au tawhid, qu'il ne faut pas adorer autre qu'Allah et l'akhir, ils ont délaissé tout cela et ils ont pris ce verset. قوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ce verset c'est حق. لا شك أن الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لماذا؟ لأنهم سيدي أولياء الله ils font partie de أولياء الله الأولياء c'est le pluriel de ولي الولي c'est le مؤمن que الله il aime chaque مؤمن c'est un ولي كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام شيخ الفوزان هم ils ont pris ce délai لماذا؟ قال الشيخ الفوزان أو on continue كلام المؤلف أو إن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. فتأمل plusieurs adillah الآن. Le premier concernant الأولياء أي أن pour résumer أن الأولياء ils traduisent par les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les prophètes, que ce soit les hommes pieux, que ce soit bien sûr les compagnons radiyallahu anhum إلى آخره. فهؤلاء الله il les aime. On est tous d'accord هذا. كذلك ils ont pris comme preuve et il n'a pas cité les détails de leur istidlal lakin il a cité فقط une ishara أن الشفاعة حق. الشفاعة c'est l'intercession. لا شك أن الشفاعة c'est حق. Aucun mu'min qui connaît son din خاصة أهل السنة ils vont nier الشفاعة أبدا. C'est حق. قال وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. أن الأنبياء لهم جاه عند الله. الجاه سي المنزلة. أي ils ont une place. Allah سبحانه وتعالى les aime. Ils ont une place, un rang plutôt élevé عند الله. C'est les meilleurs des êtres humains, l'Anbiya. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur de ses prophètes. فلا شك أنهم ils ont un rang élevé عند الله. فتأملوا tout ça, c'est حق الآن. أن الأولياء الله les aime. أن الشفاعة c'est حق. Et أن الأنبياء ils ont un rang élevé عند الله. Tout ça c'est حق. Qu'est-ce qu'ils ont compris hum, de cela عند من أو qu'est-ce qu'ils vont prendre comme argument de ces adillah عند من تفضل. Ahsant, hum, ils vont dire donc si al-awliya ils ont ce rang عند الله, Allah les aime, et la shafa'a c'est haq, et ces awliya, que ce soit les prophètes ou autres, ils vont faire shafa'a. Fahum, qu'est-ce qu'ils vont dire? Fahum, on leur demande. Cette demande c'est du shirk. Et là, t'as pas le droit de demander aux morts. Les prophètes ils sont morts. Demander à un prophète c'est du shirk. Même si c'est demander shafa'a, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Demander à un wali, même s'il est aimé indallah, même si c'est un compagnon du prophète alayhi salatu salam, même si c'est un grand imam de la sunnah, même si c'est un homme pieux dans tel pays là, s'il meurt, tu n'as pas le droit de lui demander. Et s'il est vivant, tu n'as pas le droit de lui demander une chose qu'il n'est pas capable de te donner. L'imad ali anna hada su'al, cette demande, c'est ce qu'on appelle ad-du'a. Et un nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est l'adoration. Donc celui qui va demander à une de ses créatures, même si cette créature elle est aimée indallah, cette demande c'est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est qui nous cite un délil qu'on n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah? Indak? Ahsan, fala tad'u ma'allahi ahada. C'est une aya min al-muhkamat ou min al-mutashabihat? Tadda? Min al-muhkamat. Clair le verset. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تَأَمَّلُوا قَوْلَهُ. Et on l'a vu beaucoup dans tous les livres qu'on a fait avant que Shubuhat. أَحَدًا. C'est min al-fad al-umum, ça englobe tout le monde. Et n'invoque personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même en français, personne c'est personne. Même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres humains alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit. لماذا لأن c'est حق الله سبحانه وتعالى. ما حق الله على العباد قال عيسى عليه السلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Ça c'est حق الله. Donc vous avez vu, أن pour autoriser le regardement, ils ont cité ce verset. فلهذا الآن كثير من العوام, vu que هؤلاء ces شبهات, c'est الصوفية qui les propage, الروافض. فمثلا dans un bilad où دعوة الصوفية elle est propagée خاصة depuis des années, de génération en génération, الآن tu vas parler à Ammi, tu vas lui dire ya Amma ou ya Fulan, là il y a juste ça de te demander. Vous allez voir ou visiter tel tombe, tel mausolée, il faut demander. Qu'est-ce qu'il va te dire? La première réponse, il va te dire c'est un wali, c'est Sidi Fulan. Et peut-être qu'il est sincère ou aviada. L'imad ali annahum, ils l'ont égaré avec ses choubas. Vu que c'est un wali, il n'est pas comme les autres. Les autres, eux, ils vont dire, on n'a pas le droit d'adorer un tel, ou demander. Il va dire, ouais, c'est pas pareil, c'est un wali. Nous, on aime Allah, on adore Allah, lakin ce wali, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander pour nous. Enfin, le haqiqa, c'est qu'un intermédiaire. L'intermédiaire, là, il est juste. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. C'est exactement ce qu'ils ont fait kuffar Quraysh. Ils ont pris des intermédiaires et ils disent que c'est leur shufa'a. Et c'est pour l'intercession. Enfin, ce point, il est très très important. Et fait la haqiqa, cette shubha, l'an, c'est mujarrad un mithal qu'il a cité. Cheikh Fawzan, il va expliquer, fait la haqiqa, dans les shubha, en détail, il va détailler akthar. Qala aw dhakara kalaman lin nabi sallallahu alayhi wa sallam yastadil bihi ala shay'in min batilih wa anta la tafham ma'na al kalam alladhi dhakara fajawibhu biqawlik ala al taqdir ka wahid ikone pa. Tout ce qu'on vient de citer, c'est rodoud ila akhir, il a une base, lui il a appris la base أن أهل الزيغ من المشركين إلى آخره يبخن دي فيرس أو دي أحاديث من المتشابه et les explique comme ils veulent. Parce que s'ils te citent ce genre d'argument et tu ne peux pas répondre en détail, applique la réfutation mujmala, et globale, qui englobe tous les égarements. Qala, wa anta la tafham ma'na al-kalam alladhi dhakara. Si tu n'as pas compris, tu ne peux pas répondre. Et ça ne veut pas dire qu'on doit parler à ha'oula, ou on doit naqish, je ne veux pas comprendre. Mais ça peut arriver, مثلاً avec un proche, مثلاً au masjid dans ton quartier, tu ne vas pas les voir, لكن واحد من هؤلاء vient te voir, ou un proche, مهم, ça peut arriver. أما aller et naqish celui qui n'a pas d'ilm, فلا يجوز له. Celui qui n'a pas d'ilm, il s'écarte de هؤلاء. Si c'est des proches, fais du'a pour eux. Et apprends ton din. هذا c'est un bien. Ne pas comprendre min hada, là on peut le remettre. Si on n'a pas beaucoup d'ilm, on peut aller polémiquer ma haoula. Là, qala, fajawibhu biqawli. Qu'est-ce que tu lui réponds dans ce cas-là? Inna Allah dhakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutashabih. Et ce verset qu'il a cité, ou si tu cites un hadith, et en fait, tu n'as pas compris, tu ne sais pas comment répondre, tu sais que, vu qu'il veut montrer que shirk c'est autorisé, automatiquement, il n'est pas à la jadda, il n'est pas à la surat al-mustaqim. Imma c'est un égaré ignorant ou pas, le muhim, il est dans un égarement clair. Anta, tu réponds, anna, ceux qui prétendent que shirk c'est autorisé et ils citent des versets ou des hadiths, i'lam s'il a cité un hadith, s'il est sahih bien sûr, ou un verset du Coran Karim, c'est min al-mutashabih. Et taqaddam ma'ana, ça peut être mutashabih pour un, pas pour l'autre. Al-muhim, s'il est sincère, il n'a pas compris le verset. Fa anta, qu'est-ce que tu lui réponds? Qala. On répète, inna Allah dhakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutashabih wa ma dhakartuhu laka min anna Allah ta'ala dhakara anna al-mushrikin yuqirruna bil-rububiyyah wa anna kufrahum bita'alluqihim 'ala al-mala'ika wal-anbiya wal-awliya ma'a qawlihim ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah hadha amrun muhkam bayyin la yaqdir ahadun an yughayyira ma'naha. Anta, tu as surat et qui se sert du mutashabih et de l'as muhkam. Tu vas lui répondre à hada et tu vas lui citer des ayats muhkamat. Allah il a interdit le shirk. Enfin, comment tu prétends qu'on a le droit de demander un mort alors qu'Allah il a interdit le shirk? Ouais, il va te dire là, mais c'est mi bab shafa'a. Tu lui dis abdan. Abdan. Le shafa'a, c'est pas comme ça. Et ça y est, inshallah, ma'ana, al-rad concernant le shafa'a. Kadhalik, n'oubliez pas le rad, anna la yikfi. Yanna huwa, arubama, il peut te dire. Lakin, nahnu, on reconnaît que Allah c'est le créateur. Et cette demande qu'on fait à ce wali, à ce mort, on ne dit pas que c'est le créateur. Là, c'est que mimbab shafa'a. C'est qu'un intermédiaire. Tu lui réponds, c'est exactement ce que Kuffar Quraysh, ils ont répondu au prophète alayhi salatu wasalam. C'est exactement la même chose. Qala, il a cité le verset Ha'ula ishufa'una 'inda Allah. C'est exactement ce qu'ils ont dit Kuffar Quraysh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a accepté cette excuse? Abadan. Il les a combattus, il a mis en garde contre eux et qabla dhalik il les a appelés au tawhid. Qala, hadha amrun muhkam bayyin la yaqdir ahadun an yughayyira ma'na. Personne ne peut rejeter hada. Personne. Celui qui rejette, c'est un sahib hawa, il veut pas le haqq. Et celui qui rejette le haqq, ne perd pas ton temps ma'a. Si c'est un proche, on insiste sur les proches, les ma'adhal, il y en a beaucoup de nos proches, ils ont ces choubas. Alors, certains de ceux qui ont grandi, les bilad as-souviyya, ils ont ça. Je ne comprends pas, pourquoi tu dis qu'il ne faut pas aller visiter le wali, il a akhri, la yafahon. Montre-lui, billatihi ahsan, le bon comportement. Essaye de lui expliquer, si rejette et fille, jidal, kadir, ne t'attarde pas avec lui, vihada. Fais du'a pour lui. Et de temps en temps, essaie de lui montrer billati hiya ahsan. Mais si il rejette mitla hada, ba'dhum yirajjat, ça montre ça sera quoi de continuer? Le haqq il est wadih ka shams. Allah, il a interdit le shirk. Wa il dit là, tu lui montres annahu c'est haram. Si il veut pas, si c'est un proche, fais du'a pour lui. Qu'Allah il le guide. Et un bon comportement et la'alla ça le touche et il t'écoute et il change. Qala khassatan les parents. قال وما ذكرت لي أيها المشرك في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه لا أعرف معناه الشيخ ابن عثيمين هنا إلى فهذا تنبيه dans son شرح. قال رحمة الله عليه إن الشرح طيب de كشف الشبهات الشيخ ابن عثيمين. قال dans son شرح أي لا أعرف معناها الذي أنت تدعيه وأنني أنكره وأنني أنكره ولا أقر به. نعم لا أعرف معناها إلى معنى كتب خطا أنت. وإلا فكثير من الموحدين يكنس معاني هذه الآيات. لكن قوله لا أعرف معناها إسكت بخطا أنت أنا جكوني بهذا أنا جكوني الحق يكلير دان القرآن الله لا أنت غادي الشرك. لكن pour هذا vous avez remarqué que بعض المبطلين quand ils veulent montrer leur regardement ou s'expliquer بعضهم يستدي أدلة نحن أحيانا on a الحق لكن on a un ضعف في الاستدلال. Il y en a, tout le monde peut dire le shirk c'est haram. Walillahi alhamd, c'est le haq, on lui dit le shirk c'est haram. Lakin, al-ami, certains de ceux qui sont sincères. Et masakin, ils ne savent pas. Ils ont pensé que c'était ça le haq, et leurs parents, ils les ont éduqués à la hada, dans leur pays, c'est comme cela. Si tu lui cites des versets du Coran al-Karim, abshir, annahu, ça va le toucher. Lian al-awam, yuhibbouna al-Quran. Si tu lui cites, قال الله سبحانه وتعالى كذا, قال الله عز وجل, tu cites les versets qu'on a étudiés ensemble, في كتاب التوحيد ولله الحمد, par rapport à الشفاعة, par rapport au أولياء, par rapport au دعاء, par rapport à l'interdiction d'adorer les morts, avec des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم, قال صلى الله عليه وسلم, ça le touchera. أما البعض, مثلا, يقول, là, ce que vous faites, c'est du shirk. Tamam. Aucun délil. Alors que ce ami, il a entendu de peut-être de l'imam de la mosquée, ou de son père, ou de son grand-père, que c'était permis. Est-ce qu'il va laisser la parole de son imam, de son père, et il va prendre hant? Là, khasatan, c'était nouveau dans l'istiqama, t'es encore jeune, houa, il ne te prend pas trop au sérieux au départ. Lakin avec le temps, avec l'ilm, avec le bon comportement, avec le hifd, avec le sérieux, ça le touchera. Tout ça, pourquoi? Faites des efforts, fil hifd. Khasatan, ce chapitre à tawhid. Et min ahsan ma yuhfad, كتاب التوحيد لشيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى ست بوكود أدلة من القرآن الكريم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شخص البوان. قال ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صحيح سان جواب جميل. وقوله ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض هذا سي مهم. On doit avoir aucun doute. Il peut citer le verset qu'il veut ou le hadith pour montrer أن demander aux morts c'est permis n'est aucun doute. C'est impossible que le Coran se contredit. لأن الله قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Le prophète صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت فاسأل الله. Des versets, des hadiths من المحكم clair. C'est impossible que tu trouves un délil qui montre que c'est permis. أبدا. فلهذا celui qui a compris cette règle, le Coran, il ne peut pas contredire, se contredire. Et les versets. كذلك القرآن, il ne peut pas contredire sunna. Sunna ne peut pas contredire le Coran. Inch'Allah, tu auras une base solide. Si tu emmènes un hadith clair, un ayajouz de invoquer les morts, c'est un hadith maudoua. Même tu ne connais pas le isnad, tu ne sais pas les savants, n'aie aucun doute, c'est du mensonge. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, impossible qui dit que c'est permis. Toute sa vie, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu le shirk. Ah là, c'est important. قالوا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. نعم لأن هؤلاء الضلال يسيت أحيانا في كتب الصوفية والروافد أحاديث موضوعة مكذوبة أن سي بيرمي دو فيزيتي تيل تومب سي بيرمي دو انفوكي سي بيرمي تو سا سي دو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. دو شوز اون روتير دو هذا. Demande daïman al-tawfiq min Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Ne crois pas que ce tawhid qu'on essaye de comprendre, on fait des efforts, walillahi alhamd, on arrive à comprendre, beaucoup de masail vihad al-bab. Ne crois pas que c'est par notre intelligence. C'est min Allah. Wallahi, des gens plus intelligents que moi et que toi, yushrikuna billah. C'est pas l'intelligence, c'est at-tawfiq. L'insan, il fait attention à l'ujb. Annahu, il pense que haoula, ils se sont égarés, et huwa, il a compris, et al-kibr, l'orgueil rentre dans son cœur, et ça le pousse à ne pas être modeste. On fait attention à hal. Si c'est des juhal, si c'est des proches, des awam, haqiqa, ça doit nous toucher. Là, nafrah, on n'est pas heureux, annahu, là, ils s'égarent, ils font du shirk. Abadan, khasatan, si c'est des proches. Ce ilm que tu as compris et ce tawfiq que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, essaye d'être un miftah de khayr pour les autres. Essaye d'être une lumière pour les autres. Tu dois vouloir leur bien. Même un kafir, un yahoudi, un nasrani, un juif, un chrétien, min a'da illahi azza wa jal, si on peut être la cause pour qu'il soit guidé, nafrah. Ça devient notre frère, c'est une ni'mah. Hakada. Attention à l'ujb ou l'ghurur. Nous on est guidés, les autres ils sont égarés et khalas, l'orgueil elle rentre là, l'orgueil il rentre plutôt là. Kadhalik, deuxième chose, fala tastahin bih, les efforts, ça montre on demande à tawfiq min Allah et kadhalik on fait les efforts. On demande à tawfiq et on fait aucun effort là. Enfin, deux choses, demande à tawfiq fil ilm, que ce soit ilm tawhid ou autre, daiman demande à Allah subhanahu wa ta'ala fi sujoudik, entre l'adhan et l'iqama, le vendredi, l'heure avant le maghreb, où Allah subhanahu wa ta'ala yastajib du'a muhim, tous les moments recommandés, n'oublie pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq fil ilm. Que ce soit fi hifd al-Qur'an, que ce soit fi hifd al-Mutun, que ce soit la compréhension, que ce soit la révision, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna, si Allah te répond à ce du'a, tu auras gagné tout fi dunya wal akhirah. Li'anna, si tu as compris ce ilm et tu le mets en application, enfin, on demande kadalik la mise en application, là, c'est pas que l'ilm. Si Allah il te répond à ces deux choses, il te donne du ilm et il te facilite à mettre en application, alhamdulillah, c'est la route pour al-jinn. Kama akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu hihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jinn. Celui qui emprunte un chemin pour apprendre, bien sûr pour appliquer, Allah il lui facilite un chemin pour al-jinn. On demande hada. Et kadalik, les efforts. Fala tastahin bih. Et ce genre de règles, c'est pas une simple lecture, on a fait dars, on ferme, là, des révisions, on lit kalam al-ilm, on essaie de comprendre, et on met en application, et vous verrez, inshallah, les fruits. C'est dunya qabl al-akhirah. Inshallah ta'ala, wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidahullah. Al-sharh. أي إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم كما هو الحال والواقع الآن عند عباد القبور عيدا بالله نعم استغاثة ودعاء والطلب que ça soit pour guérir عيدا بالله leurs proches, que ça soit pour الرزق, ils leur demandent, ils demandent à des morts واحد الله أعلم c'est un صالح ام لا, et même si c'est un homme pieux, on n'a pas le droit. Bardoum, il leur demande la guérison. Bardoum, il leur demande l'argent. Bardoum, il leur demande la guider. Bardoum, il leur demande de leur faciliter pour le mariage. Un mort. Pourquoi ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça montre à la semaine de tawfiq. Même pas besoin d'ilm. N'importe quel aqil. Si c'est un mu'min, il croit Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dis, est-ce que Allah il est capable de te répondre? La chèque, il va dire oui. Allah, il est capable de tout. Pourquoi tu ne le demandes pas? Thumma huwa, ici va te citer les choubas. Mais le wali, en fait, c'est mieux que je passe par le wali, il est annahu, il est aimé indallah. Tu réponds avec هذا الكلام الجميل. قال حفظه الله ويقولون إن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء أولياء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون وأن الأولياء يشفعون والرسول أو الرسل يشفعون عليهم الصلاة والسلام هكذا لخشبها أي أن les hommes pieux, خاصة les prophètes, ils vont faire shafa'a. Alors nous leur demandons l'an fi dunya pour qu'ils nous fassent shafa'a yawm al-qiyamah et pour que nos œuvres soient acceptées. C'est ça la principale shubha, c'est celle-là. قال الشيخ الفوزان فالجواب. On répète anna cette shubha et va la reciter Cheikh al-Islam dans la réfutation en détail. Amma huna c'est mujarrad un exemple pour appliquer la règle. On va pas tout détailler huna. Même si Cheikh al-Fawzan hafidahullah il a détaillé qalilan, on n'expliquera pas tout, les annas, ça viendra. قال في الجواب أن الشفاعة حق لا شك في ذلك ولكنها كما ذكر الله لا بد لها من شرطين. دو شيخ الفوزان حفظه الله إلى تيغي إلى بقيس دو شروط من القرآن الكريم. إيه بعد السيدة فالشفاعة سي حق لكن est-ce qu'on peut demander الشفاعة à n'importe qui n'importe quand أبدا c'est un talab on verra que tu dois demander qu'à Allah سبحانه وتعالى. قال il a cité les deux shurut al-idn li shafi'an yashfa' première condition man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni ma anna ad-dalil li fi ayat al-kursi tu trouves بعض الصوفية الضلال عباد القبور ils ont des awrad fi ayat al-kursi faut réciter ayat al-kursi 1000 fois 10000 fois ils ont min hadhihi al-bid'a ils ont des azkar et c'est des choses innovées ahyan ayat al-kursi ils récitent ce verset cette partie du verset man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni et qui c'est qui va faire shafa'a sauf avec que si Allah subhanahu wa ta'ala il autorise qui c'est qui lui a dit que Allah il a donné l'autorisation à ce mort de faire shafa'a man on sait pas Allahu a'lam enfin pourquoi lui demander avant de demander tu dois attendre l'idn quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'autorisation à wahid ce wahid et Anna, j'ai dit pour demander, on ne la demande qu'à Allah. Aqsud, Anna, celui qui va faire Shafa'a pour qu'il puisse faire Shafa'a. Shafa'a, c'est l'intercession. Il est obligé d'avoir la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma dalil, min as-sunnah. Taqaddam ma'ana fi kitab tawhid. Tathkuroun. Hadith Shafa'a. Ah, tfaddal. نعم فالشاهد ما هو فماذا يقول الله له النبي صلى الله عليه وسلم avant de faire shafa'a il va faire shafa'a يوم القيامة pour جميع أهل الموقف عليه الصلاة والسلام avant de faire shafa'a عليه الصلاة والسلام il va se prosterner et il va citer عليه الصلاة والسلام des noms d'Allah سبحانه وتعالى وأذكار إلى آخره فالله سبحانه وتعالى ماذا سيقول له ارفع رأسك زد وقل تسمع وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع انظروا c'est ça l'idn النبي صلى الله عليه وسلم il va se prosterner il va pas faire shafa'a il va attendre l'idn la permission مع أنه سأفضل البشر عليه الصلاة والسلام il va pas demander la il va pas faire plutôt la shafa'a il va attendre il va faire sujoud Allah subhanahu wa ta'ala il va dire au prophète عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك lève-toi et du sujoud demande ce que tu as demandé et fais shafa'a tu peux faire l'intercession et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fera shafa'a pour Ahl al-Mawqif vous avez compris l'idn alors on revient à haoula al-mushrikoun qui c'est qui lui a autorisé d'aller à telle tombe voyager awoulan voyager si c'est un voyage c'est haram le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a interdit la tachuddu al-rihal illa ila thalathati masajid pas le droit de voyager pour l'ibadah que pour visiter les trois mosquées amma voyager que pour faire salat dans un masjid là il y a juste dans notre dîn tu fais salat dans n'importe quel masjid tu es dans telle ville tu fais salat tu as le droit de voyager pour trois masajid le masjid al-haram wa masjid hada qala Isa sallallahu alayhi wa sallam ay le masjid al-nabawi à Médine et le masjid al-aqsa al-quds en Palestine c'est trois faqat ma balouk visiter pour voyager pour faire du shirk qui c'est qui l'aura autorisé awalan hada thaniyan même si c'est pas un voyage qui c'est qui lui a autorisé à demander Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de demander aux morts il a interdit de demander aux créatures dans une chose qu'ils peuvent pas wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada t'as pas le droit troisièmement Il a demandé à ce mort. Nahnu on lui dit mais qui c'est qui t'a dit qu'il allait intercéder pour toi? Man akhbarak? Qui c'est qui t'a dit qu'Allah il allait lui donner l'autorisation? Man? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a attendu l'autorisation. Fahada Allahu a'lam yawm al-qiyamah est-ce qu'il aura l'autorisation am la? La solution maintenant c'est quoi? عند من؟ سأل الله ماذا؟ أحسن دمض الله سبحانه وتعالى. اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu fasses partie de ceux qui bénéficieront de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des hommes pieux. Tu l'as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyama, si Allah t'a répondu, ceux qui feront shafa'a, incha'Allah, t'en bénéficieras. T'as préservé ton din, tu profiteras de shafa'a, incha'Allah. C'est une adoration la demande que tu as faite, tu as la récompense. Alhamdulillah, tu es gagné en fi dunya ou fil akhirah. Amma ha'oula, ils perdent leur dîne en demandant à des morts. كذلك يوم القيامة كما سيأتي معنا الشفاعة, c'est le deuxième شرط. الشفاعة pour le mushriki, ils bénéficieront jamais. Enfin, le fait qu'ils l'ont demandé في الدنيا, الحقيقة, ils ont été la cause qu'ils seront privés dans l'au-delà. انظروا الخذلان عيادا بالله. Ceux qui suivent pas l'anbiya ou الرسول, ils veulent une chose في الحقيقة, ils seront châtiés par l'inverse. Deuxième condition, an yakun al-mashfou' fihi min ahli at-tawhid. Celui qui va faire shafa'a, il faut qu'il soit min al-muwahhidin, bien sûr. Celui qui reçoit shafa'a, il faut qu'il soit min al-muwahhidin, ay qui meurt et il n'a pas fait de shirk. Amma haoula, ils font du shirk. Ils tournent autour des tombes, c'est du shirk. Tu dois le tawaf, c'est que autour de la Kaaba avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hum, ils tournent autour d'une tombe, qui c'est qui leur a autorisé? Ils sacrifient pour des morts, qui c'est qui leur a autorisé? Man dhabaha li ghayrillah, la'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Qui c'est qui leur a autorisé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Eux, ils vont répéter, c'est pour l'intercession. Isma'u kalam Cheikh al-Fawzan. قال ولا شك أن الله سبحانه وعد أولي الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولهم يحزنون. لكن من الأولياء؟ Deuxième chose. Après avoir cité awwalan la shafa'a c'est haq, mais il y a des conditions. Et hum, ils prétendent que cette shafa'a qui demande aux morts, ils prétendent que c'est des awliya. Lakin c'est qui l'awliya? Li'anna limadha, li'anna Cheikh al-Fawzan hafidhahu Allah, il sait anna ha'oula ahyanan, ils prétendent que fulan c'est min al-awliya, et fi al-haqiqa il fait partie de a'da'ullah. Ba'dhuhum, ils adorent des anadiqa, ils demandent même pas à des prophètes, même aux prophètes c'est haram, c'est du shirk. لكن ils ont atteint un niveau, ayyadun billah, ils demandent à des zanadiqa, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمائم ولباس خاص أو الأولياء الذين بني على قبورهم قباب. كذلك البعض pense que l'aulia c'est que Sidi Fulan, une personne qui a été désignée dans le village comme wali, il est mort, pour eux il n'y a que lui. Alors que هذا c'est pas صحيح. الأولياء, chaque mu'min c'est un wali. من أولياء الله. قال ليس كذلك, لأن الله سبحانه بينهم بعد هذه الآية مباشرة حيث قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي توجور من سورة يونس, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا la foi c'est un croyant, وكانوا يتقون كذلك il met en application à هذا الدين العظيم. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, il s'écarte du shirk. Fahada c'est un wali. Lakin al-ba'd, ils ont une image. An al-wali, c'est dans tel village, c'est celui qui est enterré. Ils ont construit sur sa tombe un mausolée, varih. Et les gens, ils le visitent, pour eux, c'est lui le wali. Rubama, savant de la sunna, il est enterré pas loin. Lakin, personne visite sa tombe, personne l'adore, personne construit. Et indahum, c'est pas un wali. Là, ils prennent min al-Qur'an fil haqiqa ce qu'ils veulent. C'est pour ça que al-mushrikoun ils font partie de ahl al-ahwa. Qala Cheikh al-Fawzan, fa kullu mu'min taqi fa huwa waliy lillah, laysat al-wilaya khassatan bi ta'ifatin mu'ayyana aw ashkhas mu'ayyanin lahum libasun khass wa lahum simatun khassa aw 'ala quburihim qibab wa zakhrafat. Al-awliya kullu mu'min taqi fa innahu waliy lillah. ولي الله بنص هذه الآية. وبعضهم كذلك يpense que le wali c'est celui qui a un vêtement à part. هذا صاريب عند الروافض. الروافض أئمتهم, ils ont pas les mêmes vêtements que les autres. كذلك صوفية, le shir sur sa tête il porte, il doit porter un imam, un turban de telle couleur, un kamis large, il a akhiré. ربما avec une cape. Pour eux ça c'est libas al-mashayikh ou al-awliya. Tout ça, c'est min al-bida'a. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'habillait exactement comme les autres compagnons. Falihada, بعض الناس qui venaient de l'extérieur, au départ, en apparence, ils n'arrivaient pas à savoir. وكذلك كبار الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في بعض الآثار أنهم ils l'ont visité, ils n'arrivaient pas à faire la différence, ils ne savaient pas c'était qui Omar. لماذا لأن سالومون أنهم ils s'habillaient comme les autres. فالو savant, le wali, طالب علم, il y a aucune différence le libas avec le ami. Le ami doit s'habiller comme un musulman, le savant il s'habille comme un musulman. هذا c'est important. Ça nous montre quoi? Le wali, pour savoir ce qui est un wali, c'est son din, c'est l'istiqam. Plus il fait des efforts pour l'ilm, il met en application, et il suit sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus, inshallah, son iman est le qawi, et c'est un wali. C'est un wali d'Allah. Et plus il a des faiblesses, plus il a des faiblesses dans hadhihi al-wilaya. Qala wal-wilaya tu takhtalif bi-ikhtilaf al-iman wa al-taqwa. C'est ce qu'on vient de citer. Ça nous montre que les awliya, ils ne sont pas tous au même niveau. Mathalan, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est afdal al-awliya. Afdal al-awliya illa subhanahu wa ta'ala, c'est lui alayhi wa sallam. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, c'est min awliya illa. Les croyants d'aujourd'hui, n'importe quel mu'min, c'est un wali min awliya illa. Est-ce qu'on peut le comparer à Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu? Abadan. Donc, al-wilaya takhtalif par rapport à la foi. Qala minhum man huwa waliyun kamilu al-wilaya. Wa minhum man huwa waliyu دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقواه فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص وهؤلاء المقبورين مقبور على وزن مفعول أي c'est celui qui est enterré في قبر المقبور donc c'est celui qui est enterré, c'est le mort. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره تقدم معنا هذا الحديث أظن في كتاب التوحيد أو في الشرح. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. تأملوا الوصف. أشعث مدفوع بالأبواب. أشعث أي c'est son apparence. Son apparence. ربما il a les cheveux pas coiffés. ربما il a des vêtements qui sont anciens. Il a آخره. كما حال بعض المساكين. Tu le vois son apparence que c'est un mesquin. Il a pas d'argent. Medfou' bil abwab. Ça veut dire quoi, medfou' bil abwab? Il est repoussé. Et les gens, les responsables, ils vont pas rapprocher ce genre de personnes. Illa un salih, un taqi. Wa illa fa kathir min al-nas, ils repoussent haoula. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour leurs assises, que ce soit leur fréquentation. Ils repoussent haoula. Medfou'. Lakin law aqsam ala Allah la abarra. S'il lève les mains et il fait du'a, Allah subhanahu wa ta'ala il l'exauce. Limada? Li'anna Allah yuhibbu. Tu peux trouver un autre, un où il a des vêtements très propres, il a un rang indanaz, peut-être c'est un responsable, peut-être que c'est le chef d'une tribu, peut-être que kada kada. Et s'il lève les mains, Allah il lui répond pas. Limada? Lana libasuhu min haram, ou rudiya min haram. Et beaucoup de choses c'est du haram. Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond pas. Donc ça nous montre un al-wali, c'est par rapport au din. Qala, faqad yakun al-wali ghayr ma'ruf, wala lahu makana indanaz. صحيح بعض الاولياء ربما يفيفون ميليو دي جون اي لي جون اي ساف با لو خير سا فو با دير كون دو الي سوف خوتي ا او لو ديموندي دي شوز كي با با ابدا لكن لو ريسبي ليمي في الله لو ليدي سي لا بيزوين الى اخره فكثير من الناس يدن با دامبورطونس لماذا سا نو مونتر كوا سا نو مونتر ان الموحد السني يلام الاولياء لكن الولي له حق سي لي فيفون الإكرام والمحبة والزيارة والتعاون إلى آخره. C'est ça, s'il est vivant. S'il est vivant, on le visite في الله, on l'aime في الله, on l'aide si on peut, que ce soit financièrement ou ce qu'on peut, et كذلك نتعاون معه dans tout, l'entraide. النصرة كذلك, si quelqu'un lui fait du mal, on l'aide إلى آخره. هذا s'il est vivant. S'il est mort, كذلك il a un haq azim. On fait du'a pour lui. On ne lui demande pas à lui. Là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne, qu'il élève en degré. S'il a de la famille, nous crimons, maintenant il a laissé des enfants, on essaye de prendre soin d'eux. Il a akhri. Ils ont un haq azim, l'awliya. Haoula al-juhal, haoula al-mushrikoun. Ils pensent que al-sunni, al-muwahid, ce qu'ils appellent wahhabi, ils détestent l'awliya. وعظهم عيادا بالله يزكي أهل السنة يزكي الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب de pas aimer le prophète عليه الصلاة والسلام et la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم ils ont lu ce passage de Keshubuhat et ils disent انظروا il aime pas l'Aulia. ما فهموا. C'est pas ma fahimo, c'est pas ils ont pas compris, ils veulent pas comprendre. الهوى عيادا بالله. قال هذا من ناحية ومن الناحية الثانية لو ثبت أنه ولي لله عز وجل فإن هذا لا يعطي شيئا من الربوبية ولا شيئا من حق الله. On vient de citer les droits. On lui donne ses droits. أما أنه on lui donne plus, on lui demande min dounillah, on croit qu'après sa mort, il peut donner telle chose, ou retirer telle chose, iyadam billah, ou de son vivant une chose qu'il n'est pas capable, tout ça c'est min ash-shirk. Pourquoi ? Li'anna c'est min khasa'isillah. Ça c'est des choses réservées exclusivement à Allah subhanahu. Qali annahu 'abdun lillah muhtajun ila rabbihi 'azza wa jalla, la yamlik min al-amr shay'an, la yakhluq wa la yarzuq. Falaysa al-ma'na annahu idha kana waliyan annana nata'allaq bih wa ننزل حاجتنا نعم وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كثير من الناس السجار في الحقوق يميلانج إما de l'exagération إما عياذا بالله du laxisme et alhamdulillah tu as le juste milieu. Avec les savants, avec les parents, avec les awliyas, tu trouves des extrêmes injustes. Maintenant, avec les savants, alors ils exagèrent. Ils placent le savant comme si c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il dit, c'est haq. Là, le savant, il a raison et il peut se tromper. Il peut avoir tort. Celui qui pense que tel savant, il a toujours raison, il l'a élevé à la place du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'égarement. Wa'aduhum, c'est le contraire. Iyadam billah, l'opposé. Ta'anul fil ulama. Le savant, il se trompe dans une mas'ala où il n'est pas d'accord avec lui. Ta'an. Critique, accusation. Il a ouvert un bête d'égarement. Ça, ça rend la sunna, alhamdulillah. Si tu n'es pas d'accord avec lui, s'il s'est trompé, alhamdulillah, personne ne te force à prendre sa parole. Prends pas sa parole et respecte-le. C'est un savant de la sunna. Le juste milieu, alhamdulillah. On vient de citer. Hakada avec la ulia. Certains, ils exagèrent. Certains, ils ne leur donnent pas leur haq. Ropama, il les insulte, Ropama, il les accuse, Ropama. Et le juste milieu, alhamdulillah, il leur donne le haq vivant et mort, quand ils sont morts. Qala, falaysa al-ma'na annahu qara'nahu, wa qala ta'ala, wa'budullahu la tushriku bihi shay'a. Il a cité deux versets, min al-ayat al-muhkamat, pour montrer que le shirk c'est interdit. La min al-awliya wa la ghayrihim. Ay, wa'budullahu la tushriku bihi shay'a, shay'an, c'est min al-fad al-umum. نكرة في سياق النهي لا تشركوا. صح ان غراب علماء الاصول يمونتر كو شيئا من الفاظ عموم سانغلوب تو موند. Tu adores que Allah. Une adoration. Que ce soit l'invocation, que ce soit at-tawaf, tourner autour de la tombe, que ce soit. Tout cela c'est que pour Allah. Et tawaf c'est khas pour autour de la Kaaba. Le sacrifice. Tout cela c'est que pour Allah. Ne donne rien à un makhlouq. لأن عيادا بالله سي ليغارمون لو بلو غراف الشرك. قال فالله لا يرضى بهذا سبحانه. نعم ولا يرضى لعباده الكفر. الله لا يرضى بالكفر عيادا بالله. قال فليس معنى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يملكون شيئا من الربوبية وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعطون الشفاعة وأنهم كما يزعم القبوريون. فقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سحق. Ils ont un rang élevé عند الله. الله les aime إلى آخره. لكن est-ce que ça veut dire qu'on les adore ou on leur demande? أبدا. قال فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم فإنهم مثل المشركين الأولين الذين قال الله فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. C'est exactement la même chose. تأملوا أن الله سبحانه وتعالى dans ce verset il a appelé leur demande d'intercession ibadah. Ce dalil il est important si on le comprend. Les nahum, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, nous, on les prend comme intermédiaires. On ne les a pas adorés. Anta, tu lui cites ce verset, tu lui dis, ta'ammal. Wa ya'buduna min dunillah. Donc Allah, il a appelé ce qu'ils font, adoration. Pour autre qu'Allah, donc c'est une adoration. ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هنا c'est un rat عليهم أن cet intermédiaire il peut rien te donner, il peut rien te retirer. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتو لو دي انت تو دي سا ان انترميديير فاسمع كلام الله سبحانه وتعالى. Ils ont dit exactement la même chose que toi. المشركون الأولا. Donc cette demande de shafa'a قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله c'est quoi? C'est exactement ويعبدون من دون الله. C'est adorer autre qu'Allah. Enfin, ce verset, il montre qu'on a demandé shafa'a aux morts, c'est adorer autre qu'Allah. Et adorer autre qu'Allah, c'est quoi? C'est du shirk. Wa'abudullah. Wa la tushriku bihi shay'a. Qalahum yaqulun, nahnu la na'taqid annahum yakhluqun, wa yarzuqun, wa annahum min ajli, wa innama min ajli, an naj'alahum wasa'id baynana wa bayna Allah, li'annahum awliya, wa nahnu muqassirun, wa nahnu mudnibun. فهؤلاء بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا. C'est ça leur shubha, principale shubha des mushrikin. ويقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون. Ils vont dire, أولا, nous on sait que هؤلاء, c'est pas des créateurs. Ça prouve et ça montre أن المشرك, il pense que التوحيد c'est que الربوبية. لا, كفار قريش كذلك. Ils savaient que le créateur c'est Allah, سبحانه وتعالى. Iblis, إمام الكافرين الشيطان كذلك خلقتني من نار وخلقته من طين. Il a reconnu que Allah il l'a créé de feu et il a reconnu que c'est Allah qui a créé Adam. Iblis il s'est pas égaré parce qu'il a prétendu que c'est lui qui a créé Adam. Là il sait très bien, il savait très bien que c'était Allah. Lakin il a pas voulu se prosterner. هذا ça nous montre أن leur قول أنهم c'est pas des créateurs, ça change rien. S'ils auraient dit c'est des créateurs, c'est plus grave. لكن صارز دو الشرك في العبادة صافي سورتير دو الإسلام. قال إنما من أجل أن نجعلهم وصائد بيننا وبين الله. هذا تقدم. أي سي كو دي انترميديير. قال والله رد عليهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. دونك à la fin du verset toujours le même verset. Donc on a قوله ويعبدون من دون الله. تمام. Ça montre que le fait de prendre un intermédiaire fil ibada, c'est adorer autre qu'Allah. Ça, awalan, wa ya'budun min dunillah. À la fin du verset, tu as qawluhu azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun. Allah, il a appelé leur fi'al shirk. Enfin, celui qui a compris ce verset, qui l'explique à ses proches, qui l'explique aux awam, s'ils comprennent l'arabe, il leur traduit avec des exemples. Et ils cèdent maintenant de ceux qui tapent ce passage. On doit retirer le vosan comme il simplifie. Et tu leur montres. Tu leur montres, ça c'est le Coran. C'est pas ma parole. C'est pas la parole de Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab. C'est pas la parole de l'imam le Taymiyyah. Là, kalamullah. Bayni wa baynak, tu lui dis, le Coran le Karim. On cite rien, on cite pas de kalam de savant que le Coran. Tu peux lui prouver, annahu, il est à la batil. Qala, fassamma hadha shirkan wa qala fil ayat al ukhra. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. La même chose. Leur shubha c'est quoi? La fin du verset. إلا ليقربون إلى الله زلفى. Pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc ils les ont pris comme intermédiaires. قال عز وجل. On revient au début du verset. والذين اتخذوا من دونه أولياء. Ils ont pris des alliés autres que Allah. Ils adorent autres que Allah عز وجل. قال يريدون الواسطة فقط عند الله سبحانه وتعالى وإلا فإنهم معترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فيعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكر الله عنهم. هذا tout ça on va pas expliquer, on l'a vu depuis le début du livre. أنهم ils reconnaissaient أن الله c'était le créateur. وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله فنذروا لهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم يا سيدي اشفع لي عند الله يفعل كذا هذا الذي يقولونه عند القبور. Donc هؤلاء ils disent pas que ce wali c'est le créateur, لكن leur but c'est l'intermédiaire, exactement comme les mushrikoun à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. فكيف يقولون مثلا يا سيدي اشفع لي عند الله. تأمل قولهم يا سيدي. يا سيدي c'est un ida en arabe. يا c'est comme quand tu dis ya rab, c'est une demande. Cette demande, ya Sayyidi, demande à qui? Aux morts, c'est du shirk. L'imam Ali, en a cette demande, on n'a pas le droit de la faire à un mort. On n'a pas le droit de demander à un mort. Pourquoi? Le mort, il ne peut rien te donner. Le mort, il ne peut pas être utile à lui-même. Qu'est-ce qu'il va te répondre à toi? Donc, le fait de dire « Yes, Sayyidi », c'est du shirk. Normalement, le musulman, qu'est-ce qu'il doit dire? « Ya Rabb ». Non, on est des musulmans. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de lui demander. Et il l'aime quand tu lui demandes. Pourquoi demander à un makhlouq et délaisser et ne pas demander à Allah, subhanahu wa ta'ala? « Qala, ya Sayyidi, ishfa'li inda Allah, if'al kada, hada ladhi yakulunahu inda al-qubur. Hal hada yakhtalif amma qalahu al-mushrikun min qabl. » الذين رد عليهم جل وعلا بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. La suite du verset من آية سورة الزمر. Ne pas confondre. On a deux. On a سورة يونس ويعبدون من دون الله إلى آخره. Et on a من le début de سورة الزمر. ألا لله الدين الخالص إلى آخره. والذين اتخذوا من دونه أولياء. Donc قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. C'est la fin du verset de سورة الزمر. Sourate Younous, c'était quoi la fin du verset? La fin, subhanahu ahsan, subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Le fait de prendre des intermédiaires, Allah il l'a appelé shirk. Ils ont fait du shirk. Le verset de sourate Zumar, qala azza wa jal, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Aïe, c'est des kuffars. Allah il guide pas les kuffars. Aïe, ils veulent pas écouter, ils veulent pas se soumettre. Allah, il ne les guidera pas. Et il les a qualifiés de menteurs. Donc, ceux qui prennent des intermédiaires, c'est des mouchrikoun, c'est des kuffar, et c'est des kadhaboun, c'est des menteurs. Khassatan, celui qui a la ilm et inad, il ne veut pas accepter. Si, ba'dhum, ils disent, et s'ils sont sincères, s'il est sincère, et les choses, elles lui sont expliquées correctement, de la bonne manière, inshallah, il acceptera. L'imad, il y a un c'est pas un kadhab. Qala, حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر فعملهم هذا كفر وكذب et كذلك dans l'autre verset شرك قال وفي سورة يونس نزه نفسه عن ذلك فقال سبحانه وتعالى عما يشركون سماه شركا الله il l'a appelé الشرك donc c'est ça qu'on doit faire comprendre نحن aux gens احيانا نحن on a un taqsir في الاستدلال comme on a cité au début du dars on a un taqsir في هذا بعضهم ils pensent que c'est nous qui disons que c'est شرك. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'ils disent l'awam sur Ahle Sunna, sur les Salafis, ce qu'ils appellent hum les Wahhabites. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ils ont amené un din jadid. Vous avez amené une nouvelle religion. Ils pensent que c'est nous qui disons ça. Et ahyanan, c'est nous qui sommes fautifs des fois. Les gens parlent et on dit c'est du shirk. Ouais, il va te dire, tu vas lui. Pardon, ils disent quoi? Mais Shir al-Fawzan, il a dit. Ouais, il ne connaît pas Shir al-Fawzan. C'est pas un sunni, ouais, il ne connaît pas ces notions. C'est du shirk. Si tu dis c'est qui? قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. Tu dis Allah il a appelé le shirk. Il va te dire c'est quoi qu'il a appelé le shirk? Tu lui cites le verset. ألا لله الدين الخالص. Din c'est l'adoration c'est que pour Allah. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Tu dis هكذا الله il a qualifié هؤلاء qui prennent des intermédiaires. Toi tu lui montres c'est du shirk et tu lui cites le verset de sourate Younous. Là Fulan il a dit là. Allah subhanahu wa ta'ala il cite le verset et tu verras si les sadiqs il reviendra si c'est iyadam billah ma wuffiqa si c'est un proche comme ataqaddam fait du'a pour lui qu'Allah il le guide. Qala fil awliya ibadun salihun lahum qadruhum wa nahtarimuhum wa nuhibbuhum wa naqtadi bihim fil a'mal as-salihah. Les droits, les huquq qu'on a cités de l'awliya quand ils sont vivants, on les aime, on les prend comme modèle, on les respecte et la akhir. Si c'est des savants, on revient, on leur pose nos questions, et là, s'ils sont morts, on les aime, kadalik, on fait dua, muhim, ils ont un haq. Laysa qalakin laysa lahum shirkatun ma Allah. Hey, on peut pas les prendre comme associés, abadan. Subhanahu wa ta'ala, innama hum mitluna muhtajuna ila Allahi, subhanahu azza wa jal, fuqara'u ila Allah, azza wa jal. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Hada amun, wallahu huwa al-ghaniyul hamid. قوله هذا عام سانغلوب toutes les créatures. Tout le monde est faqir il Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha an-nas sanglobe tous les êtres humains. Les messagers, les prophètes, les savants, les hommes pieux, les awam, les tout le monde. Les croyants, les kuffars, les hypocrites, tout le monde. Ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila Allah. Al-fuqara c'est le pluriel de faqir. Faqir c'est celui qui n'a pas. Et on est tous des fuqara. Et on ne faut pas comprendre le mot fuqara niveau argent. Là, on est des fuqara et on est faible. C'est Allah qui guide, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui nous a créés à partir de rien. Enfin, on est tous des fuqara. Fa-mathalan, est-ce qu'un de nous il peut faire descendre la pluie? Abadan, on est des fuqara. Est-ce qu'un de nous, quand il pleut trop, mathalan, ahyanan, il y a des inondations, est-ce qu'un de nous il peut bloquer, arrêter la pluie? Abadan. Est-ce qu'un de nous il peut se guérir? Abadan, on fait les causes. Faqat. Est-ce qu'un de nous il peut repousser la mort? Abadan. Malak le mot, il vient, t'es faqir. T'es obligé de te soumettre. هذا سيقوله أنتم الفقراء إلى الله هذا سأغلب كل من دونك هذا سيستدلال كذلك قوي pourquoi demander à ce abd qui est faqir qui n'a rien et délaisser ne pas revenir ne pas demander au ghani والله هو الغني والحميد الحقيقة هؤلاء ils sont malades وإلا الحمد لله celui qui n'est pas malade du cœur pourquoi je ne demanderai pas à Allah subhanahu wa ta'ala je demande à Allah عز وجل c'est le ghani il est capable de tout et أرتاح قال كل الخلق فقراء إلى الله عز وجل بما فيهم الأنبياء والرسل بما فيهم الملائكة عليهم السلام كلهم فقراء إلى الله سبحانه فهذا مما يزيل اللبس لأن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به ويتركون البعض الآخر يأخذون الآية التي تمدح الأولياء وتثني عليهم ويتركون الآية الأخرى التي تبين أنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل وأن من طلب منهم شيئا وهم أموات فإنه مشرك كافر يتركون هذه الآيات فهذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه سبحانه وتعالى avant de finir Cheikh Fawzan cette partie du sharh il a expliqué l'exemple de Shafa'a et الآن il est revenu à la règle أي le rad mujmal la réfutation globale générale أي أن هؤلاء Pour Shafa'a, مثلاً, ils ont pris un verset sur l'Awliya, ils ont délaissé tous les versets qui montrent clairement que c'est interdit de shirk. Interdit de demander aux morts. Que ce soit un Nabi, un Rasoul, un homme pieux, on n'a pas le droit. Donc, le mithal, il est bien, on l'a bien appliqué avec la règle. Amma, tout ce qui est lié à Shafa'a, les réponses en détail, Inch'Allah, ça viendra dans les prochains cours. قال فلتكن عندك هذه القاعدة أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة والمنزلة عند الله فإنه ليس له من الربوبية شيء وأنه لا يدعى مع الله وإنه لا يكون له شيء من العبادة وهو لا يرضى بذلك ça c'est une autre قاعدة حقيقة ces règles mettez-les en évidence révisez-les propagez-les on a une règle dans le rôde al-mujmal on a une règle dans l'ibad al-an أن الإنسان مهما بلغ Ça, c'est une règle. N'importe quel être humain, n'importe quelle créature, même balagha min as-salah, wal karama wal manzila, que ce soit un ange, que ce soit Jibril alayhi salatu wassalam, que ce soit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wassalam, fa innahu laysa lahu min ar-rububiyyah shay. Il a rien, tout ce qui concerne ar-rububiyyah, la création, la gérance de ce monde, la guider, il ne peut pas. قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت le meilleur des êtres humains عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى il a révélé ce verset إنك لا تهدي من أحببت ليس لك من الأمر شيء النبي صلى الله عليه وسلم il peut pas égarer il peut pas guider il a pas guidé son oncle عليه الصلاة والسلام لماذا لأن la guider c'est بيد الله il a fait la cause أما النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais prétendu pouvoir guider نعوذ بالله il a fait la cause ya am qul la ilaha illallah di la ilaha illallah il a fait la cause Allah il a révélé innaka la tahdi man ahbab Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé que son oncle est mort ala al kufr il est mort ala al kufr hada donc cette règle est importante kadhalik wa annahu la yud'a ma Allah wa annahu la yakun lahu shay'un min al ibada donc tu as deux choses n'importe quelle créature elle ne peut rien avoir tu peux rien lui donner من التوحيد que ça soit الربوبية أو الألوهية أي on n'a pas le droit de croire en eux ils peuvent guider ou ils peuvent gérer هذا الكون ou une adoration pour eux tout ça c'est haram que ça soit un wali ou autre et avec cette قاعدة alhamdulillah l'adoration c'est que pour Allah et après les autres ils ont des حقوق c'est pour ça que c'est important de connaître les حقوق Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله il a une رسالة طيبة في هذا dans les حقوق les salats ils l'ont imprimé مختصره et ils citent les حقوق ils commencent par حق الله les droits d'Allah après حق الرسول les droits des messages et après حق العلماء حق des parents le droit des parents, le droit des voisins, le droit des croyants, le droit des kuffars. Chacun il a ses droits. Si tu connais ses droits, Inch'Allah, tu donneras chacun son droit. L'adoration, ar-rububiyyah, c'est min haqqillah. Inch'Allah, rappelez-moi si j'oublie, on essaiera de, dans notre deuxième dars, quand on aura du temps, on essaiera un jour de lire cette risala sur les huquq de Cheikh Ibn Uthaymeen. Inch'Allah. قاله الأولياء والصالحون على الحقيقة لا يرضون بذلك وينهون عنه أشد النهي إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. Et ça c'est un tambih tayyib. Il y en a بعض الأولياء ils sont adorés, لكن ils sont pas d'accord. مثلا le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salatu wa salam. Les chrétiens ils l'adorent. Ben, ils ont prétendu que c'était le fils d'Allah azza wa jalla. Et هو لا شك انه عليه الصلاه والسلام c'est un messager min a'immat at-tawhid lakin ils l'ont adoré. Donc c'est pas tous ceux qui sont adorés min dunillah annahum c'est des égarés ou des tawarit. Là la preuve c'est que des messagers sont adorés. Enfin, il va préciser قال فالاولياء والصالحون على الحقيقه لا يرضون بذلك وينهون عنه اشد النهي انما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس الى عباده انفسهم. Et ça, c'est un tambih tayyib. At-taghut, at-tawaghit, c'est ceux qui appellent les gens à les adorer. Alihada, بعض رؤوس الصوفية والروافد, qui acceptent هذا, qui appellent les gens à les adorer. Iyadam billah, à leur embrasser les pieds, à s'incliner devant eux. Bel pardon, ils se prosternent. Ha'oula, c'est pas des awliya. Ha'oula, n'est aucun doute en eux, c'est des tawaghit. C'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-wali, حقيقة كما قال أبدا لا أكسبت الشرك. قال أما الأولياء أما أولياء الله فحاشاهم من هذا لا يرضون به وإنما يرضى به أولياء الشيطان. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله كما vient d'expliquer. لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. عيسى سلا بقول المؤلف رحمه الله. فيجب رد النصوص بعضها إلى بعض وتفسير بعضها ببعض حتى يتضح المطلوب. وهذا كما قال الشيخ جواب سديد تجب العناية به لأنه مبني على كتاب الله فمن وفق له فهو ذو حظ عظيم. أي نعم. donc bien sûr toujours appliquer cette règle. si un verset من المتشابه ف on revient toujours aux ayat muhkamat. Notre niveau, si on n'a pas les capacités, on demande aux savants de la sunna et nartah. فَمَنْ وُفِّقَ لِهَذَا qui s'écarte du mutashabih, qui s'écarte de Ahlul Zayr, qui adore Allah seul, qui fait des efforts fil ilm, qui aime sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui applique هَذَا كَمَا قَالَ ذُو حَظٍ عَظِيمٍ هَذَا Inch'Allah, il aura une énorme récompense. Et tout ça, bien sûr, c'est بِتَوْفِيقِ اللَّهِ فَلِ tout ça c'est bitawfiq illah. Fa parmi nos du'a qu'on doit pas négliger c'est demander hada tawfiq at-tawfiq fi al-'ilm et fi al-'amal. Naktafi bi hada, on a fini walillahi alhamd le premier jawab al-mujmal et le prochain dars à partir de mardi bi idnillah azza wa jalla on commencera al-jawab al-mufassal ay des réfutations shubha par shubha. Ça sera plus détaillé inshallah ta'ala. Et avec la première réponse, ça sera plus complet au fur et à mesure.